La science-fiction et le réalisme de notre temps, c'est la meilleure façon de décrire le monde dans lequel nous vivons. Et de facto, la littérature de notre invité est très ancrée dans notre présent ou dans un futur sur le point d'advenir. C'est lui qui imagine, au début des années 90, ce que sera la colonisation de Mars, dans une trilogie qui fait date dans l'histoire de la SF. Il imagine encore le futur proche de notre planète, soumise au bouleversement climatique anthropique, ou encore trois avenirs possibles à l'état de Californie. Multiprimé, toujours sensible aux questions politiques et écologiques, notre invité s'est également essayé à l'Uchronie. Nous avons l'immense plaisir de recevoir Kim Stanley Robinson. Kim Stanley Robinson est notre invité spécial pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et bonjour Kim Stanley Robinson, hello. Hello. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On est absolument ravis de vous recevoir. Je disais dans l'introduction, la science-fiction et le réalisme de notre temps, c'est vous qui dites ça. Alors qui êtes-vous? Vous êtes plutôt Flaubert, plutôt Zola? C'est quoi ce nouveau réalisme? What I've meant by that is that, ce que je voulais dire, c'est qu'on a assisté à une accélération. Si on essaye désormais de parler du présent, il y a l'ombre de l'avenir qui se projette sur le présent. Et l'avenir, on peut d'ores et déjà le ressentir. Et si l'on prend le roman, et le roman qui est considéré comme une forme de réalisme littéraire, si l'on essaye de décrire le présent, il faut obligatoirement inclure des aspects de l'avenir. Sinon, on se retrouve à écrire un roman historique. Presque sans le savoir. Donc l'accélération de la technologie, le sentiment que les choses vont de plus en plus vite, eh bien tout cela, c'est la réalité, d'autant plus que la pandémie nous accable et nous fait prendre conscience du fait que nous sommes tous sur la même planète et que nous sommes une seule civilisation. De ce fait, on arrive à une situation de réalité différente. Vous avez d'ailleurs dit, hein, à propos de la pandémie, vous avez publié une tribune dans le New Yorker intitulée « Le coronavirus est en train de réécrire nos imaginations ». C'est-à-dire, vous pensez que justement, la science-fiction en tant que littérature réaliste va changer ou doit changer au vu de ce que nous venons de traverser tous collectivement? Tous les artistes vont devoir interpréter ce qui s'est passé au cours de l'année écoulée selon leurs outils. Si l'on considère que la science-fiction, ce sont des histoires qui se passent dans l'avenir, dans une sorte d'espace mental, eh bien la science-fiction a toujours été divisée en plusieurs catégories. L'avenir lointain ou alors l'avenir proche. L'avenir proche dans une dizaine ou une vingtaine d'années. Et là, on est plus dans le réalisme projeté en avant. Puis il y a aussi la période intermédiaire entre le très lointain et le très proche. C'est là que je me situe, moi. On essaye, à la lumière de ce qui se passe aujourd'hui, déterminer ce qui va se passer dans un ou deux siècles. Évidemment, c'est une zone temporelle difficile à imaginer, j'en conviens, mais en ce qui me concerne, je dirais que la pandémie signifie que les choses dont on pensait qu'elles nous prendraient 20 ou 30 ans à apprendre, eh bien, nous sont tombées dessus immédiatement et nous sommes déjà à cet instant-là. Par exemple, dans mon roman Ministry for the Future, les choses que je dépeins comme devant se passer dans les années 2030 ou 2040, eh bien, se passent dès maintenant. Donc il y a eu une véritable accélération en raison de la pandémie et tous les artistes vont répondre selon leurs outils. Puisqu'on parle justement effectivement de ce temps si particulier de la science-fiction, quand vous écrivez la trilogie martienne, dont on va reparler plus tard, vous placez d'ailleurs la première expédition martienne en 2026. On est en 2021. Comment est-ce que vous avez estimé cette date? Est-ce que vous en êtes content aujourd'hui a posteriori? Yes, Mars is very difficult. Oui, le sujet de Mars est difficile. La trilogie martienne, je l'ai écrite au début des années 90. Donc, lorsqu'il y a eu Dans mon histoire, en 2026, des astronautes qui arrivent sur Mars, puis d'autres qui arrivent une dizaine d'années plus tard, je crois. En tout état de cause, j'ai cette date, je l'ai choisie au hasard. Ça semblait être un avenir très lointain, au début des années 90. Mais évidemment, c'est pratiquement demain, aujourd'hui. Et on s'intéresse de plus en plus à Mars, mais en réalité, nous sommes dans une urgence climatique. Par conséquent, ça n'a pas de sens que nous intéresser à Mars. Mars ne va pas nous aider à l'heure actuelle sur Terre. Et même si on se lançait dans des initiatives à la Elon Musk, le taux de réussite, la probabilité de réussite, si vous voulez, n'est que de 50%. Et il ne s'agit que de petits objets qui pourraient être sur Mars. Donc, Mars, c'est difficile, comme je disais, parce qu'il y a une atmosphère, certes, mais cette atmosphère ne suffit pas. Donc ça revêt les aspects les pires. Ce serait bien si c'était un vide, comme sur la Lune, ou alors une atmosphère complète, comme sur Terre. Mais pour décélérer, pour atteindre une vitesse suffisante pour arriver à poser des objets sur Mars, c'est très délicat. À mon avis, ça ne va pas se produire en l'espace de 5 ans. Et puis, je ne vois même pas l'intérêt, d'ailleurs. Vous avez dit, Kim Stanley Robinson, dans une interview, la seule chose que vous changeriez à votre trilogie martienne, c'est le vaisseau spatial des 100 premiers. Non, je suis satisfait d'avoir écrit la trilogie martienne à l'époque où je l'ai fait. Je sais que la trilogie martienne se porte bien en France. Je tiens à remercier ma traductrice française, Dominique Haas, dont le français est plus élégant que mon anglais. Et d'ailleurs, la France, c'est le seul pays où il y a l'intégrale, la trilogie en un seul volume. C'est le seul pays, et ça, j'aime bien. Mais aujourd'hui, je n'écrirai pas la trilogie martienne pour différentes raisons, mais depuis que je l'ai écrite, nous avons appris que la surface est bien plus toxique qu'on le pensait. On pense qu'il peut y avoir des bactéries vivantes sur Mars et on sait désormais que la constitution chimique de Mars est très pauvre en azote. On le pensait, mais on n'avait pas de certitude au moment où j'ai écrit la trilogie martienne. Ainsi, dans une certaine mesure, la trilogie s'inscrit bien dans son époque. Il y a, s'agissant du récit qui consiste à, vous savez, créer une nouvelle société, une nouvelle économie politique, la civilisation humaine qui s'attache à un seul projet, ça fonctionne encore hein, en tant qu'allégorie. C'est pas du tout un projet, c'est véritablement un roman. Et ça, il faut s'en souvenir. Et dans le domaine littéraire, je crois que c'est pas trop mal. Et s'agissant d'une politique à mener, en réalité, c'est un roman historique maintenant. On va continuer à parler non pas seulement de votre trilogie martienne, mais de l'ensemble de votre œuvre qui est très foisonnante. Nous sommes tout au long de cette heure en compagnie de Kim Stanley Robinson. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Nous allons donc nous pencher sur votre carrière d'auteur, Kim Stanley Robinson. Vous êtes né en 1952 à Waukegan, dans l'Illinois. Vous avez déménagé très tôt, à l'âge de 2 ans, dans le comté d'Orange, en Californie, qui deviendra d'ailleurs le théâtre de votre première trilogie. La question que je pose souvent aux auteurs de science-fiction et aux autrices que je reçois, c'est quel est votre premier souvenir en tant qu'enfant, votre première image de science ou de science-fiction qui vous marque ? Well, it's a nice thing to ask. Ah, voilà une chouette question. It's Jules Verne. Jules Verne. Jules Verne, dont on dit que les traductions en anglais sont atroces, j'ai pu le lire enfant et je ne savais pas cela. Donc j'ai lu les livres de Jules Verne, les moins connus, mais aussi 20 000 lieues sous les mers, de la Terre à la Lune. Et dans ma bibliothèque, donc j'avais accès à une bibliothèque et enfant, je lisais dizaine de livres par semaine, et Jules Verne, dans cette bibliothèque, était rangé parmi les romans réalistes normaux, si vous voulez. Alors qu'au fond de la bibliothèque, il y avait les étagères avec les Asimov, Ray Bradbury, Arthur C. Clarke. Mais moi, je ne m'intéressais pas à ces livres avant d'aller à la fac. Quand j'étais enfant, je ne savais pas que la science-fiction existait. Néanmoins, je savais que Jules Verne se distinguait des autres romanciers. Donc, c'est ça mon premier souvenir. Vous dites que vous commencez effectivement à lire de la science-fiction assez tard. Hein. Vous en avez cité quelques-uns, Asimov, Wells. Qu'est-ce qui vous diriez qu'il vous marque en fait dans l'imaginaire de science-fiction ? Pourquoi est-ce que cet imaginaire-là va faire son chemin finalement, ou peut-être prendre la place ou compléter celui de la littérature générale ? Yeah, well, it was a kind of a light bulb going on moment. En réalité, il y a eu un moment de révélation. Je m'en souviens très bien. Moi, j'ai grandi au sud de Los Angeles à une époque où les terres étaient agricoles. Il y avait des vergers de citronniers, d'orangers. Il y avait aussi des avocats. Donc, moi, je croyais que c'était la réalité moderne. Je lisais Mark Twain et les autres auteurs du 19e siècle à l'époque. Et pour autant que j'ai pu le savoir, j'étais encore au 19e siècle, dans ce comté d'Orange. Quand j'étais enfant, puis ado, eh bien, tous ces arbres, ces citronniers, ces orangers ont été arrachés au rythme de 2 ou 3 hectares par jour. Puis, une ville est apparue. Et c'était une ville, évidemment, pleine d'automobiles, de rocades, tout à fait similaire à Los Angeles. Vous voyez ce genre de conurbation, si vous voulez. Ainsi, je suis allé à la fac à San Diego, et là, j'ai rencontré la science-fiction. Il y avait Asimov, Arthur C. Clarke, H.G. Wells, Clifford C. Mac, très important pour moi, Clifford C. Mac, et j'ai compris que c'est celle-là, cette littérature qui décrivait mon expérience, expérience de transformation d'un paysage sous mes yeux. On passe de l'agricole à l'urbain dans une transformation brutale avec des promoteurs, du béton, changement d'infrastructure énorme sous mes yeux. Et la science-fiction m'a frappé comme étant véritablement ce qui était le réalisme. Et en réalité, c'est resté en moi à jamais. Vous dites que vous avez vécu un choc du futur. Tout à fait. Alvin Toffler, lorsqu'il a écrit Le choc du futur, eh bien, décrivait mon expérience. Et toutes celles et tous ceux de ma génération ont vécu la même chose. Le choc du futur, c'est lorsque les gens comprennent, voient l'accélération. C'est un petit peu comme quand vous prenez un trottoir roulant. Vous vous trouvez à une vitesse de déplacement différente, ça peut sembler étrange, et puis c'est ça le choc du futur. Et puis quand vous êtes à une vitesse différente et que vous ne remarquez pas le changement, qu'on ne le ressent pas comme avant, eh bien, on est dans cette situation-là. Le choc du futur, c'est une expérience que l'on retrouve bien dans les années 1970. Aujourd'hui, on est devenu habitué à cette vitesse plus grande, à cette accélération. Vous n'étiez pas du tout client de la science-fiction télévisuelle des années 60-70, des premières séries de science-fiction, de cet imaginaire-là qui a commencé, de cet imaginaire populaire très proche des pulps qui s'est répandu à la fin des années 60 et des années 70. Non, j'avoue que j'étais plus plongé dans les livres quand j'étais enfant et ado. On n'avait pas trop la télé. Elle n'était pas branchée en permanence. Le dimanche soir, je regardais Walt Disney, par exemple. Je connaissais l'existence de Star Trek, mais je ne le regardais jamais. Je ne l'ai vu que très tard. Non, je ne suis pas très au fait de la bibliothèque visuelle, si vous voulez. Vous entrez à l'université de San Diego, Californie. Vous allez rencontrer celui qui va devenir votre directeur de thèse, Frederick Jameson, qui est critique littéraire et théoricien politique marxiste. Est-ce que vous pouvez nous parler de lui, parce que on le connaît peu en France, et quelle est l'influence qu'il a eue sur vous et là aussi sur votre imaginaire et sur votre passion pour la science-fiction? Sure. Jameson is perhaps the most famous. Frédéric Jameson, c'est le critique littéraire marxiste le plus connu du monde anglo-saxon et très connu en Chine aussi. C'est lui qui a dirigé ma thèse. Il m'a recommandé de travailler sur Philip K. Dick. Et là, c'était très important dans ma vie, ça, évidemment. Je suis en contact avec Jameson. Il enseigne à l'université Duke en Caroline du Nord. Je viens d'assister à un cours qu'il a donné sur la philosophie française depuis la Deuxième Guerre mondiale. Sartre, Lévi-Strauss, Derrida, Althusser, Foucault, Michel Serres. Donc vous voyez, Frédéric Jameson reste très actif. En réalité, à ses débuts, il était professeur de français. Donc il est surprenant qu'il ne soit pas si connu que cela en France, parce que c'est l'un des plus grands relayeurs, passeurs de la pensée française dans le monde anglophone. Vous-même d'ailleurs, pour faire une parenthèse, vous dites que les deux auteurs français qui vous ont marqué le plus, c'est Proust et Camus. Yes, that's right. Oui, c'est juste. J'ai lu les deux. Alors évidemment, chez Proust, c'est surtout la recherche. Mais quand je travaillais avec Jameson, j'ai beaucoup étudié les métaphores de Proust. Et je crois qu'à la recherche du temps perdu, c'est le grand roman, à mon avis. Et tous les grands philosophes français ou théoriciens ont été obligés de se pencher sur Proust de façon très légitime. C'est un roman incroyable. Camus, lui, est intéressant pour son militantisme politique et pour cette pensée philosophique, l'existentialisme, bien entendu. Et ce n'est pas un corpus important par la taille, mais ces mémoires que l'on appelle le premier homme, hein, dans sa traduction anglaise, ne sont apparues que très longtemps après sa mort, il y a 10 ou 20 ans. Et donc Camus constitue l'un des grands écrivains du XXe siècle. C'est très important pour moi, évidemment, pour essayer de comprendre comment on peut produire de l'art avec de l'engagement politique en même temps, l'un renforçant l'autre. Vous voyez, pas d'antagonisme. Au contraire, très important pour moi, ces deux auteurs, donc. Et c'est évidemment, vous me tendez la transition, puisque effectivement, Frédéric Jameson était donc un théoricien politique marxiste. Votre œuvre, Kim Stanley Robinson, est évidemment très empreinte d'un engagement politique. Vous diriez que c'est avec Jameson que vous avez tissé ce lien indéfectible entre la fiction et la politique, et que vous avez embrassé la science-fiction comme un genre qu'elle est d'ailleurs originellement, c'est-à-dire un genre très politique. Oui, c'était très important pour moi. Mais le contexte était celui du début des années 70. Il y avait la guerre du Vietnam. Moi-même, j'étais appelé. La plupart des jeunes de ma génération étaient férocement contre la guerre du Vietnam. Et puis il y avait le mouvement, les manifestations des années 60. Donc il y avait ça, la littérature, Jameson, la tradition marxiste, mais aussi la gauche américaine, le IWW par exemple. En tant qu'Américain de gauche, il était important pour moi de produire de la littérature qui clarifiait le monde et avait un contenu et un but politique. Proust était politique d'ailleurs, bien qu'aux États-Unis, il soit considéré comme tel en raison de sa lutte contre l'antisémitisme. Donc, la meilleure forme d'art comporte un engagement politique, à mon avis. Et c'est important d'essayer d'apporter un certain enseignement, avoir un but pédagogique. Si vous voulez, le roman, c'est un système de signification. La vie signifie quelque chose. Et le roman met cela en avant. Par conséquent, c'est idéologique avec un angle politique. Et si l'on veut croire qu'il n'y a pas d'angle politique, eh bien, on le fait quand même sans le savoir, mais en gardant le statu quo. Donc, moi, je me projette dans l'avenir avec une méthodologie d'utopie. On décrit l'avenir tel que l'on voudrait qu'il soit. Ça, c'est très important dans le projet d'utopie. On imagine un monde où les choses s'améliorent. Eh bien, là, c'est une économie politique que je décris, moi. Et ça donne un sens de but. Donc, c'est ça. Il y a un contenu politique en plus de la production artistique. C'est passionnant parce qu'il y a évidemment deux écoles, entre guillemets. Hein. Il y a la vôtre, où bien tous les auteurs qui considèrent la science-fiction comme un genre éminemment politique, et puis toute une autre tradition de science-fiction qui se veut être une science-fiction de divertissement, peut-être plus proche de la fantasy, qui a été d'ailleurs beaucoup reprise au cinéma, et je pense notamment à Star Wars. Vous appartenez, vous avez voulu, Kim Stanley Robinson, dès le départ, faire une littérature politique et choisir la science-fiction comme littérature politique? Oh, I think that even in space opera, in science fiction, regarded as escapism, where même dans la science-fiction qui consiste à s'évader vers d'autres planètes à bord de vaisseaux, il y a quand même un inconscient politique, comme le dit Jameson. Il y a une sorte de sous-texte en creux dans Star Wars. Vous avez la bataille contre l'Empire, il y a des rebelles, vous avez un centre impérial. Par conséquent, l'impérialisme, c'est un sujet dont on parle parmi d'autres thèmes. Ça peut être très simpliste, c'est le cas d'ailleurs, et ça peut être sous forme ludique, mais en même temps, les enjeux, c'est la révolution, et par conséquent, il faut se pencher sur la notion de la révolution, et on peut l'appliquer à la situation actuelle que nous connaissons, bien qu'il puisse s'agir simplement d'un jeu auquel on se livre à des fins de divertissement. On peut toujours lire un texte. On peut voir n'importe quel film sous un angle politique. Mais à mes yeux, ce qui est important, c'est de pouvoir combiner les deux et travailler le divertissement affranchi de la réalité qui peut sembler complètement figé par la réglementation. On peut se dire que les choses ne changeront jamais, mais si on décrit un espace imaginaire sur une autre planète, ça libère l'imagination. Et on se dit, mais ça pourrait très bien se passer sur notre planète Terre aussi. Jameson va vous mettre en contact avec un autre auteur qui va être très important puisque vous allez lui consacrer votre thèse, c'est Philip K. Dick. Comment justement dans ce contexte politique que vous venez de décrire, vous percevez-vous la littérature de Philip K. Dick et pourquoi est-ce que vous décidez de lui consacrer votre thèse? Well, it was Jameson's suggestion. At that point, c'est une idée de Jameson. Alors, j'avais lu de la science-fiction, vous savez, les Asimov, les Ray Bradbury, j'avais lu Ursula Le Guin, autrice très importante pour moi, et à titre personnel, du reste, elle est plus importante que Philip K. Dick. Mais Jameson m'a dit, il faut que tu lises Philip K. Dick, parce que il faut en lire beaucoup, parce que ses romans sont un petit peu, comment dire, désinvoltes, un peu bâclés. Il y a 30 ou 40 romans. Il y a une année où il a écrit 5 romans quand même, puisqu'il avait des factures qu'il fallait payer. Donc il faut lire beaucoup de Philip K. Dick pour comprendre la vision idéologique. Il est anti-capitaliste, il parle toujours du petit homme qui lutte contre le grand système. C'est un Californien. Bien souvent, ses histoires se passent en Californie, donc je sais très bien de quoi il parle. Et il pense que le capitalisme était délétère à la vie sociale et à la vie spirituelle. Ça, c'est deux grandes préoccupations au début. En vieillissant, il est devenu un peu plus mystique et c'est l'aspect spirituel qui a commencé à prévaloir. Donc moi, j'ai étudié l'ensemble de son œuvre. Son premier roman remonte à 1955 et son dernier date de 1982, je crois. Et puis il y a pas mal de romans posthumes qu'il a écrits dans les années 50 et qui n'ont pas été publiés à l'époque. Donc son esprit a évolué, mais c'est un romancier très adroit. Il travaillait trop vite. Certes, la texture de ses livres n'est pas formidable au niveau de la phrase. Néanmoins, il exprime son message et ses romans sont construits avec beaucoup de puissance, de force. Il a dit des choses très intéressantes. Et enfin, Philip K. Dick était très surréaliste. Hein. On est dans le surréalisme des années 30 avec Breton ou Salvador Dali. Hein. Ce n'était pas un réaliste, Philip K. Dick. Il ne cherchait pas à dépeindre un avenir de façon réaliste. Non, il travaille la métaphore à la californienne, si vous voulez. Et ça a été très utile pour moi. Vous consacrez votre thèse du coup à Philip K. Dick en 1982 et c'est l'année également où va paraître votre premier roman. Vous avez dit, Kim Stanley Robinson, j'ai écrit ma première histoire de SF qui d'ailleurs va devenir le premier chapitre de La Mémoire de la Lumière à l'hiver 72-73. Et après un certain temps à écrire de la poésie, je me suis mis à écrire sérieusement de la SF tout le temps à partir de 74. Je me considérais comme poète à l'époque. Je n'étais pas très fort en poésie, mais c'était important pour moi. Et puis, vous savez, la poésie, on peut écrire un poème en une journée. Et si vous prenez la poésie chinoise des paysages, la poésie de Gary Snyder, poète californien bouddhiste, qui a ensuite été un de mes enseignants, Gary Snyder m'a beaucoup influencé. Comment mener une vie en Californie en tant qu'artiste sans être rattrapé par la culture des médias new-yorkaises, vous voyez, mais de faire du véritable travail. Puis, lorsque j'ai vendu mon histoire de science-fiction à Damon Knight, qui a lui-même traduit 13 nouvelles françaises, il n'est pas francophone, mais très bon traducteur, Damon Knight était un enseignant formidable, et pour moi, c'était le premier d'une grande lignée de très bons éditeurs importants dans ma vie d'écrivain. Donc, il y avait lui, il y avait Terry Carr, il y a eu... Enfin, la liste est très longue, hein. Et à l'heure actuelle, il y a Tim Holman à Londres et évidemment, mon éditeur français, qui est formidable. Donc, les éditeurs jouent un rôle important pour moi. Et il s'est avéré que la science-fiction était un meilleur moyen de travailler, du point de vue artistique, l'Amérique, meilleur que la poésie, j'entends. Je reste poète amateur. De temps en temps, je publie des poèmes dans mes romans, comme si mes personnages en étaient les auteurs, bien qu'ils ne soient pas très forts en poésie. Votre premier roman et le premier tome de votre trilogie qui se situe, hein, c'est la trilogie californienne dans le comté d'Orange où vous avez grandi. Comment naît cette idée? Pourquoi partir finalement de ce choc du futur que vous avez vu, hein, puisqu'on retrouve dans cette première trilogie ce que vous avez décrit tout à l'heure sur la transformation notamment du paysage agricole? Comment est née l'idée? Est-ce que vous aviez d'emblée l'idée d'une trilogie? It did come to me as a trilogy. Oui, l'idée m'est venue de faire trois volumes. Mais ce n'est pas le premier volume avec des suites. Non, c'est trois livres différents avec un espace temporel égal en tant qu'intervalle. J'étais dans le sud de la Californie, c'était surtout un paysage urbain, mais entre le comté d'Orange et San Diego, il y avait des terres qui étaient encore sauvages. Et cela m'a frappé que l'évolution pourrait évoluer au même titre que la vie humaine d'ailleurs. Donc j'ai eu une vision. Et donc j'ai un personnage, Tom Barnard, qui passe sa vie dans trois contextes historiques différents. Et le lecteur assiste à cela. Mais lui, le Tom Barnard, ne sait pas cela. Sauf parfois, il y a des moments de lucidité à titre onirique. Donc, il y a des scénarios qui sont les suivants. Il y a évidemment l'aspect post-apocalyptique et les gens essayent de survivre. Sinon, il y a une dystopie. Tout a été conçu dans un super état monstrueux et une utopie. Tout s'est bien passé pour l'humanité et tout cela devait être reflété dans les paysages du comté d'Orange et dans la vie de ce personnage unique. C'est ainsi que j'ai publié Le Rivage Oublié, La Côte Dorée et Pacific Edge, Lisière du Pacifique. Et Pacific Edge est publié en France pour la première fois. Absolument. Ça vient d'être publié le 14 mai, donc il y a quelques semaines à peine. Ce qui est intéressant, c'est que justement, tout de suite, dans cette trilogie, on commence à trouver en germe ces thèmes que l'on va retrouver, que vous allez développer dans le reste de votre œuvre, et notamment cette question de l'utopie écologique, hein, qui est le centre de ce que vous racontez dans Pacific Edge. Yes, to a certain extent, for sure. But I can say this. When I wrote Pacific Edge, oui, mais quand j'ai écrit Pacific Edge, Lisière du Pacifique, j'en étais toujours à cette trilogie et une petite communauté. Et je n'ai pas décrit le reste du monde. Et je n'ai pas décrit l'histoire qui nous a amené entre la période actuelle et cette espèce d'utopie écologique que j'ai écrit dans Lisière du Pacifique. Donc, il m'a fallu fallu mettre en place des explications. Comment passer de l'époque actuelle à une situation souhaitable pour l'ensemble de la planète? Moi, je ne crois pas à l'utopie restreinte à un Shangri-La, si vous voulez, alors que le reste du monde souffre. Ça, ce n'est pas une utopie hein, pour moi. Pour moi, c'est tout ou rien. L'utopie, c'est tout ou rien. Donc là, je me suis lancé dans la trilogie martienne et je peux dire en toute honnêteté que tout ce que j'ai écrit depuis lors est devenu une tentative supplémentaire visant à décrire comment on pourrait arriver à une économie politique meilleure. On va y venir, hein, Kim Stanley Robinson. On va parler de la trilogie martienne. On va parler également de votre trilogie écologiste. Et on va parler de tous les autres livres, notamment d'une uchronie absolument passionnante dans la suite de l'émission. Stanley Robinson est donc notre invité spécial tout au long de cette heure. On vient d'écouter Mosquitoes on Mars d'Atomic Swing, puisqu'on va passer donc à la genèse de cette trilogie martienne. Et puis j'aimerais qu'on parle avec vous aussi un peu de vos modes d'écriture, Kim Stanley Robinson. Début des années 90, vous partez vous installer en Suisse. C'est en Suisse que naît le projet martien, ou comme vous venez de nous le dire juste avant la musique, il était déjà en train de naître, il était déjà en train de germer à l'intérieur de votre esprit quelques années avant. Mon épouse s'est vue proposer un postdoc à Zurich. Nous étions en 86-87, nous avons donc déménagé à cette époque. Je travaillais déjà sur Mars, alors que j'écrivais en même temps La Côte Dorée et Pacific Edge, mais mon intérêt pour Mars remonte à la fin des années 70, lorsqu'on a eu toutes les données Viking, vous vous souvenez? Donc j'ai écrit un petit roman à titre expérimental, et puis pour utiliser le terme Mars la verte. Donc là, il y a Carl Sagan et d'autres scientifiques, astronomes, qui se sont rendus compte que si l'humanité transformait une planète, eh bien Mars serait vraisemblablement la meilleure planète candidate, étant donné la présence de l'eau et d'autres éléments, et qu'on pourrait en faire une sorte de terre. Bref, les données vikings étaient extrêmement riches, et lorsque j'ai terminé la trilogie californienne, j'avais déjà cette envie d'écrire un grand roman. Je pensais que ce serait un roman unique. C'est pour ça que j'aime l'intégrale d'ailleurs des trois volumes en France. C'est d'ailleurs un seul roman, la trilogie martienne sur l'adaptation de la planète Terre aux besoins des terriens. Donc, nous avons, ma femme et moi, déménagé pour la Suisse, et je me suis lancé dans la trilogie martienne par la suite lorsque nous sommes revenus, c'était en 89. Comment est-ce que vous travaillez, Kim Stanley Robinson, justement? Quel est votre rapport avec la science? Comment est-ce que vous vous êtes renseigné pour écrire cette histoire que vous voulez réaliste sur la terraformation de Mars en plusieurs temps? J'ai beaucoup été aidé, et je dois dire que c'était très important pour moi d'avoir fait des études d'anglais. J'ai étudié le roman pour apprendre à écrire des romans. Le roman, c'est une série de phrases qui sous-tendent des connaissances. De même, au théâtre, un décor tente de décrire un quartier. Peut-être qu'il n'y a rien derrière tout cela, mais en tout état de cause, dans le roman, une phrase peut être convaincante et être pleine d'informations utiles et riches. Donc, le roman, c'est simplement l'alignement de différentes phrases. Il ne s'agit pas d'être scientifique. Néanmoins, l'aide vient des scientifiques, scientifiques qui sont ravis de partager les connaissances qu'ils ont acquises. C'est une espèce d'interaction géniale. La science doit être partagée et les scientifiques sont prêts et même enthousiastes quand ils partagent leurs informations. Je disais que les données vikings étaient extrêmement riches, donc il y a des gens qui m'ont aidé, Christopher McKay, les scientifiques de la NASA qui répondaient à mes questions, c'était formidable. Et ils publiaient surtout des articles, parfois un ouvrage par-ci par-là. Et en 92, l'Université d'Arizona a publié un livre intitulé Mars, tout ce que l'on savait sur Mars en 92, tous les articles scientifiques en un seul volume. C'était incroyable. Donc, j'avais largement ce qu'il me fallait, parce qu'il fallait que moi, je m'en cantonne à une histoire, et je ne voulais pas être trop synchro avec les connaissances, vous voyez, parce que moi, je m'intéressais à la transformation politique, au même titre que la transformation physique. Donc, c'était un équilibre qu'il fallait que je trouve. Le livre fait 2000 pages, à peu près, mais il y avait beaucoup d'histoires à raconter. Vous dites la science est une question de langage, pas une question de mathématiques, c'est-à-dire. Well, no, it's both. À vrai dire, c'est les deux quand même. Les mathématiques, c'est un langage, une méthode. La méthode scientifique est très quantitative et rigoureuse. Donc, on regarde les mêmes problèmes et on apprend de plus en plus. Ce n'est pas du tout la même chose pour la fiction. Et c'est pourquoi le nom. Le terme science-fiction est si puissant, parce que la science, c'est immense, la fiction aussi, mais la science et la fiction ne se chevauchent guère avant d'arriver à ce genre magique qu'est justement la science-fiction. On raconte des histoires qui se fondent sur de nouvelles informations scientifiques. Et quand les scientifiques racontent le fruit de leurs études, ils ne commencent pas par les équations ou les tableaux statistiques ou les données, non, ils commencent par un abstract. Et ça vous fait quoi? Une petite nouvelle, 250 mots, et ils doivent vous raconter ce qu'ils ont appris. Quelle que soit la langue, d'ailleurs. Aujourd'hui, l'espéranto de la science, c'est l'anglais, mais en 250 mots, il faut qu'ils racontent l'histoire de ce qu'ils ont appris dans leurs études, qui, elles, sont quantitatives et mathématiques. Donc, il se passe un phénomène de traduction entre ce que font les scientifiques et les histoires que le public comprend de leur travail, et en quoi ça peut être utile. Et c'est là qu'intervient la science-fiction. Quelle est votre routine de travail? Vous l'avez dit, hein, Mars, c'est 2000 pages. Les trois trilogies sont toutes de belle taille. À peu près tous vos livres dépassent les 500, 600 pages. Vous écrivez beaucoup en quantité. Ça veut dire que vous écrivez tous les jours, vous écrivez au premier jet, vous retravaillez beaucoup. Est-ce que vous avez des techniques particulières pour écrire? Ma femme travaille pour le gouvernement des États-Unis. Elle est scientifique. Elle a fait une carrière très exigeante. Et moi, je suis celui qui reste à la maison et qui s'occupe des deux garçons. Mais en dehors de m'occuper de mes enfants, je ne fais rien d'autre qu'écrire depuis 85. Quand les enfants étaient en bas âge, je travaillais après avoir emmené les enfants à l'école. Et le premier jet, je peux le faire en 2 ou 3 heures, ça m'épuise. Mais quand je relis, et je relis beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, parce que les textes que je produis ne sont pas des premiers jets. Hein. Ça nécessite beaucoup de travail de relecture et de révision. Je peux faire de la révision toute la journée. Donc, quand les enfants étaient petits, je travaillais du lundi au vendredi, puis ensuite ils ont grandi, sont devenus autonomes, et ainsi de suite. Et là, je me suis mis à travailler tous les jours. Je vis à un endroit très ennuyeux où il n'y a rien d'autre à faire qu'écrire. Donc, je m'occupe bien. Si je vivais à San Diego ou dans le sud de la France, ce serait plus difficile. Peut-être que j'aurais écrit 4 ou 5 romans de moins, parce que Davis en Californie, je ne sais pas ce que je ferais si je n'écrivais pas. La trilogie martienne est un succès incroyable. Vous gagnez un nombre de prix incalculable, et puis des prix très prestigieux, 2 prix Hugo, 2 prix Locus, 1 prix Nebula, et j'en passe. Vous entrez avec cette série dans le sérail des auteurs de science-fiction qui compte. Vous en avez conscience de rentrer entre guillemets dans la cour des grands? Yes. Oui, la trilogie martienne a transformé ma carrière. Il y a plus d'une 20aine de traductions. Il y a eu un gros succès en France, en Espagne, au Japon et dans de nombreux autres pays. Et quand les gens pensent à la science-fiction américaine des années 90, c'est vrai que la trilogie martienne vient forcément à l'esprit. Et du reste, ça se vend encore bien parce que les gens s'intéressent encore à Mars. Donc, ça m'a changé du point de vue professionnel, mais je n'avais que 45 ans lorsque ça m'est tombé dessus et j'avais d'autres histoires que je voulais raconter. Donc, ça a été très chouette. Ça a été un point de départ, si vous voulez, mais avec la trilogie martienne et le succès, j'ai pu faire ce que j'ai voulu par la suite. La trilogie martienne, en réalité, m'a donné de la hardiesse, de l'audace comme écrivain. Et donc, je me suis dit, allez, je vais me lancer, je vais passer d'un roman à l'autre. Donc, en tout cas, c'était un moment tout à fait critique dans ma carrière. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et nous poursuivons notre entretien avec Kim Stanley Robinson, qui est notre invité spécial tout au long de cette heure. On a parlé de deux grandes trilogies. Il va falloir parler encore du reste. Il nous reste malheureusement plus énormément de temps. Mais comment est-ce qu'on rebondit, Kim Stanley Robinson, quand on a écrit cette trilogie martienne, qu'elle a rencontré ce succès? Comment est-ce qu'on passe à autre chose? Et j'étends un peu cette question pour vous demander, quel est le point de départ d'une histoire? Comment est-ce que vous construisez une histoire à un moment donné dans votre tête? Comment est-ce que vous avez réussi à allumer la mèche, en quelque sorte? Yeah. Well, with the Mars trilogy done, une fois la trilogie martienne derrière moi, je me suis dit, allez, Mars, c'est fini. Je suis allé en Antarctique dans le cadre de la Fondation scientifique américaine. Des artistes peuvent aller en Antarctique, j'y suis allé, et sur Terre, étant donné le froid et l'aspect désertique, ça ressemble pas mal à Mars, toutes choses étant égales par ailleurs. Hein. Donc, c'était l'espace le plus martien sur Terre. Et en tant qu'écrivain de science-fiction, j'ai voulu me lancer dans tous les sous-genres de la science-fiction. Il y avait l'histoire alternative. Et dans mon esprit, j'ai toujours voulu écrire une histoire différente. Tous les Européens meurent de la peste et le reste du monde continue sans les Européens. Donc ça, c'était un de mes projets. La chronique des années noires. Ce titre-là ne me plaît pas. Hein. Mais le titre anglais ne me plaît guère non plus. Bref, je m'en contente. Donc ça, c'était un grand projet qui m'a pris 2 ou 3 ans. Travail d'une nature complètement différente, d'ailleurs, me penchant dans l'histoire et une histoire alternative, évidemment. Et à partir de là, les idées me viennent, à condition que ce soit une histoire prenante. Le changement climatique, évidemment, occupe une place prépondérante dans l'avenir proche. J'ai travaillé là-dessus. Sinon, je m'intéresse à l'idée que on ne pourra jamais atteindre les étoiles. Ce rêve, ce fantasme, c'est complètement trompeur. Ça, c'est une histoire intéressante à raconter. Je l'ai fait. Ça vient de sortir en France, d'ailleurs, ce que j'ai fait sur ce sujet. La science-fiction s'intéresse également à la préhistoire. En effet, il y a un rapport là. On ne sait rien de la préhistoire. On ne sait pas ce que deviendra l'homme à l'avenir et on ne sait guère ce qu'était l'homme avant que l'histoire ne s'écrive. On ne peut que deviner grâce aux archéologues, aux anthropologues. Donc, lorsque la grotte de Chauvet a été découverte en France, près du pont du Gard, eh bien, je me suis intéressé aux artistes. Donc, j'ai écrit un roman préhistorique qui va sortir en France. J'en suis ravi. Il est pas traduit encore. Ça sortira peut-être l'année prochaine, mais en tout état de cause, mon éditeur et la maison d'édition vont le faire. J'en suis ravi. C'est le seul roman que j'ai écrit qui se passe en France. Certes, dans la France préhistorique, mais je dois dire que je suis allé dans la ville de Jules Verne et pour moi c'est le lieu d'une histoire alternative où une ville complètement différente a été bâtie. C'est devenu la plus grande ville de France, une sorte de Paris alternative. Donc, les histoires me viennent comme ça. J'ai besoin d'une idée, quoi. Tous les 2 ans, je fais des essais, je me demande si ça va fonctionner, qu'est-ce que je vais raconter. Voilà, c'est totalement aléatoire. Comment est-ce que vous les testez, ces idées, exactement? À quel test vous les soumettez? It's a question of... Since a novel is étant donné que le roman est artificiel et qui nécessite plus d'un fil narratif. Si vous racontez une histoire à quelqu'un, ça va s'écrire en très peu de mots, très peu de pages, alors que dans un roman, il faut le contexte, il faut une situation intéressante, il faut des personnages. Et comme chez Philippe K. Dick, il faut une équipe de personnages liés les uns aux autres, peut-être une demi-douzaine ou une douzaine de personnages qui interagissent les uns avec les autres dans un réseau intéressant qui nécessite que ça soit raconté par le roman. Donc parfois il faut qu'un an s'écoule, parfois il faut que 700 années s'écoulent, il faut qu'une vie s'écoule dans la plupart des cas. Donc je réfléchis à ça, et quand j'étais plus jeune, j'avais 2 ou 3 bonnes idées, et puis quand j'étais prêt à écrire, il y a une idée qui sortait du lot. Vous voyez, donc il y a des idées telles que celle-ci, telles que j'ai eu à l'esprit pendant une 20aine d'années. Et puis, au bout d'un moment, dans ma jeunesse, je me suis dit, ah, j'ai plus trop d'idées, mais les idées viennent également des découvertes scientifiques, du bouleversement climatique. Donc les idées ne peuvent pas manquer aujourd'hui. Mais avec Ministry for the Future, peut-être que j'ai couvert pas mal de terrain. En tout cas, j'ai fini avec tout ce qui est changement climatique. Je ne sais pas ce que je vais faire maintenant. Là, vous me m'attraper à un moment de ma carrière où je n'ai guère trop d'idées à ce stade. Avant d'en arriver là, c'est intéressant cette histoire de la grotte de Chauvet, Kim Stanley Robinson, parce que vous dites que c'est peut-être la découverte scientifique qui vous a le plus marqué. Alors, de la part d'un auteur de science-fiction, on pourrait imaginer que ce sont des nouvelles de l'espace, du cosmos, mais pas du tout. Vous, la découverte scientifique, c'est la grotte de Chauvet et aussi la découverte de la momie de Ötzi dans les Alpes. Comment est-ce que vous expliquez ça ? Oui, c'est vrai ce que vous dites. Merci d'avoir remarqué cela. Moi, je m'intéresse à l'histoire. J'aime la fiction historique, j'aime les ouvrages d'histoire. Et si j'étais devenu scientifique, chercheur, je crois que je me serais lancé dans l'archéologie ou la géologie. Et par ailleurs, je comprends les abstracts quand je les lis, alors que quand je lis des abstracts, qu'il s'agit d'exoplanètes ou de trous noirs, je ne comprends rien. C'est trop mathématique ou trop abscon. Donc, l'archéologie m'a toujours fasciné. Mon épouse et moi, nous avons passé du temps dans les îles Orcades, au nord de l'Écosse, où il y a des ruines archéologiques incroyables. Même chose à Crète. Et en Grèce, et à Crète en particulier, il y a des sites archéologiques fort intéressants. Donc, à l'évidence, les peintures de Chauvet, Chauvet a deux fois l'âge de Lascaux, hein. C'est quand même assez frappant. Et la momie de Ötzi, donc voilà une personne avec son matériel. Moi-même, je fais de la randonnée. Voilà un randonneur, si je puis dire, qui avait un équipement exactement comme le nôtre. Parce que ça répond aux mêmes besoins, et c'était très raffiné du point de vue de sa conception et de la façon dont les choses sont rassemblées dans son équipement. Donc c'est très intéressant tout ça. Si on considère que la science-fiction, c'est une forme d'expression artistique qui interroge la nature de l'être humain et interroge l'avenir, l'évolution de l'homme à l'avenir, il faut également se poser la question du passé. Comment étions-nous avant ? Quelle a été notre évolution ? Donc le passé éloigné est aussi intéressant que l'avenir lointain. Ça vous donne une sorte d'ancrage dans le présent. Lorsque l'on passe une carrière à écrire sur l'avenir, il y a l'incertitude, il y a l'hypothétique. Mais quand on peut enfin mettre les deux pieds par terre, et ça, je l'ai trouvé en Antarctique, c'est Mars, mais avec les deux pieds par terre. Donc, avec l'archéologie, pour revenir à ce qu'on disait, il y a quand même un fondement permettant de réfléchir, et en tant qu'artiste qui exprime cela par les mots, c'est tout à fait épanouissant. Pour conclure, Kim Stanley Robinson, on a beaucoup évoqué à ce micro avec d'autres autrices et d'autres auteurs de science-fiction, eh bien ce que c'est qu'aujourd'hui d'écrire de la science-fiction en 2021, dans le contexte qui est le nôtre, dans le contexte de dégradation climatique, dans un contexte de néolibéralisme, dans un contexte d'accroissement des inégalités, plus de pandémies. On a un peu l'impression que les dystopies des années 70-80 sont en train de nous tomber dessus, sont en train de devenir réelles. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour se projeter dans le futur quand on a l'impression que le futur nous a rattrapés ? Est-ce qu'on peut continuer à être optimiste malgré la dégradation de l'état du monde quand on est un auteur de science-fiction ? Les gens qui nous écoutent, les Français ou les Américains, ben nous sommes dans le monde dit industrialisé, mais il y a des inégalités dans tous les pays, comme cela peut être montré par le coefficient de Gini. Bref, la France, les États-Unis, l'hémisphère nord d'une façon générale, on peut dire que parmi les 8 milliards de gens qui peuplent la Terre, il y en a 2 ou 3 milliards qui se portent pas mal. C'est pas du tout une dystopie. Mais il y a 2 ou 3 milliards de personnes qui sont dans une terrible pauvreté. Donc l'utopie parfaite n'est pas parfaite. Mais on n'est pas dans une dystopie. On est quoi ? Dans une sorte de chaos. Chaos, et il y a une course, une rivalité entre l'utopie et la catastrophe. Parce que si on ne bâtit pas un monde qui soit bon pour l'ensemble de l'humanité et la vie sauvage, Et là, évidemment, il faut s'atteler très sérieusement au dérèglement climatique. À ce moment-là, la vraie dystopie nous frappera tous autant que nous sommes. Par conséquent, d'un point de vue moral, il faut se dire qu'il faut faire un monde meilleur. Et évidemment, il faut écrire les choses à l'avance pour pouvoir se projeter, pour que les gens aient des images de ce qui est possible. Et la science est un outil formidable. Les gens ont le désir de coopérer. Nous sommes des primates sociaux. Peut-être qu'on va éviter une extinction de masse. Peut-être qu'on peut arriver à une civilisation convenable. Étant donné que c'est possible, il y a cet impératif moral que de se projeter là-dedans. Donc, lorsque les gens disent « Oh, il n'y a aucune chance, nous sommes dans une dystopie totale, rien ne va bien, on n'y arrivera jamais », eh bien, c'est une exagération, c'est pas vrai. C'est simplement l'expression d'un court-termisme. Il faut travailler dur pour arriver à un avenir que nous appelons de nos voeux. Donc, il y a une nécessité morale. Ce n'est pas du tout dans le domaine de l'optimisme par rapport au pessimisme. Non, c'est une histoire de volonté politique que de bâtir un monde meilleur pour toutes et tous. Vous diriez, Kim Stanley Robinson, qu'il est important, plus aujourd'hui qu'hier, que la science-fiction soit cette littérature politique, cette littérature qui envisage un renouvellement, qui redonne des idées et du contenu politique aux imaginaires. Well, I think that's always been what science fiction has been doing. Eh bien, la science-fiction a toujours fait cela. On voit ça chez Jules Verne, chez H.G. Wells. La science-fiction décrit toujours l'avenir, qu'il s'agisse d'utopie ou de dystopie. Donc, peut-être que cela est devenu plus évident aujourd'hui, parce que les choses évoluent très vite et nous risquons, en raison du changement climatique, un véritable désastre, une extinction de masse. Quoi faire? Tout le monde se pose la question et se gratte la tête. Et la science-fiction joue un rôle plus important que jamais. En effet, on essaye d'arriver à cette étape-ci en évitant cet obstacle-là. Donc, c'est très important de décrire les différentes étapes, les différents obstacles pour nous guider sur ce qu'il faut faire dans le présent. Alors, la littérature, c'est de l'art, mais c'est également un projet politique ou des projets à mettre en œuvre. Et de ce point de vue-là, je crois que c'est très important d'avoir une science-fiction de l'utopie de manière saine pour montrer que tout n'est pas désespéré. Ce serait un échec de baisser les bras en 2021. Les choses pourraient s'améliorer d'ici 2050, mais il faut que nous prenions ces sujets à bras le corps. Mon roman The Ministry for the Future a fait l'objet d'une très bonne réception, un petit peu comme mon œuvre en 92, parce que les gens veulent que ça se passe bien et ils ne voient pas suffisamment de bonnes nouvelles. Il faut que les gens puissent se projeter dans un avenir meilleur. Regardez le paysage culturel. Cette histoire-là n'est guère racontée. Donc, Ministry for the Future, ça remplit ce besoin, ça satisfait ce besoin que l'on a d'un avenir meilleur. Et on a extrêmement hâte qu'il soit traduit en français pour pouvoir le lire. Mille merci encore une fois, Kim Stanley Robinson, d'avoir accepté notre invitation pour vous lire, eh bien, la trilogie martienne, la trilogie climatique aux presses de la Cité, Chronique des années noires en poche chez Pocket, ainsi que les deux trilogies également chez J'ai lu et de Noël. La liste est trop longue pour la faire ici. Merci également au CCCB et à sa directrice Judith Carrera et Juan Insua. L'exposition Mars, le miroir rouge est visible jusqu'au 11 juillet à Barcelone. Ils ont rendu possible notre mise en relation. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique. Eve Etienne, Céline Lozen, Noémie Naguette-Savu, Franck, Natacha Triou, Alexandre Morales, Antoine Beauchamp, Olivier Bétard à la réalisation